Comme chaque lundi, on va du côté de la chronique technologie de l'information avec Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Ça va bien ? Mais ça va très bien. Oui, tu nous prépares un gros sujet aujourd'hui. On revient sur l'histoire du numérique. Exactement. On profite un peu d'une excuse qui nous est offerte, une conférence qui va être présentée jeudi prochain, 17 septembre à 19h à la bibliothèque Gabriel Arouin, une conférence grand public qui s'intitule « De révolution en révolution, une petite histoire du numérique des origines à aujourd'hui ». Et pour un peu mettre la table un peu sur ce sujet-là, pour discuter de l'histoire du numérique, on est en compagnie du conférencier, il est professeur au département de génie électrique et génie mécanique à l'Université Laval, également directeur de l'Institut technologie de l'information et société ITIS, Paul Lefortier. Bonjour. Bonjour, ça va bien Raymond? Mais ça va très bien. Et on entend évidemment ce terme-là, numérique, de plus en plus. J'ai l'impression que c'est un peu un sujet d'actualité, autant qu'un support de révolution de manière assez large, là. Oui, c'est sûr qu'on est, on pourrait dire qu'on est actuellement dans l'ère du numérique, mais ça fait quand même plusieurs années que les gens vivent le numérique. Ça a commencé, les gens ne le savaient pas. Par exemple, les systèmes téléphoniques, les compagnies téléphones numérisaient la voix déjà dans les années 70-80. On a eu l'apparition ensuite dans les années 80 du CD. Après ça, ça s'est accéléré avec les téléphones intelligents et les objets connectés qu'on a aujourd'hui. Et est-ce qu'on a l'impression, en fait, justement, on parle un peu des années à partir de 1900 où il y a des évolutions qui sont faites, qui ont amené vers le numérique. Mais si on parle de l'ère du numérique, est-ce que c'est vraiment plus le 21e siècle à proprement parler? Oui, c'est vraiment, on peut dire, à partir du 21e siècle, là, on a, si on parle déjà des gens qui sont nés dans les années 90 comme étant des natifs numériques, des gens qui sont nés avec, par exemple, un micro-ordinateur à la maison. Mais je pense, oui, que le 21e siècle, c'est maintenant, aujourd'hui, à peu près tous les supports qu'on a de multimédia sont numériques. La télévision est numérique, le téléphone est numérique. Donc, oui, on est à l'ère du numérique. Et le point de départ, c'est si on essaie de voir un peu ce qui a amené vers cette révolution-là, qui a démarré la roue, est-ce que ça serait un peu la notion de calcul à grande échelle? Oui, exactement. Il faut voir qu'au départ, ce qui a amené le numérique, c'est l'ordinateur, c'est l'informatique. Et donc, les premiers ordinateurs avaient pour but là, de faire des calculs, de simplifier les calculs, de mécaniser les calculs. On a d'abord fait des machines mécaniques, électromécaniques, ensuite purement électroniques. Mais ces machines-là étaient vraiment très grosses, très coûteuses. Et c'est avec l'avènement de la microélectronique au tournant des années 70 que là, on a vraiment démocratisé l'informatique et on a pu avoir des ordinateurs que tout le monde pouvait posséder dans les années 80. Et à partir de ce moment-là, ça s'est accéléré. Donc la clé, c'est vraiment l'idée de miniaturisation. De coûts qui baissent de plus en plus. Donc à chaque année, on peut mettre de plus en plus d'électronique dans des petites puces et abaisser les coûts. Autrement dit, avoir pour un même coût de plus en plus de puissance. Alors on a des puissances de calcul qui sont phénoménales dans les téléphones cellulaires. Peut-être il y a 20 ans, on avait ça dans des ordinateurs de bureau ou dans des ordinateurs beaucoup plus puissants. Oui, enfin, on oublie qu'aujourd'hui, dans le fond, on a dans notre main, dans notre poche, des ordinateurs qui sont plus puissants que des ordinateurs qui remplissaient des pièces entières il y a une trentaine, quarantaine d'années. Exactement. C'est évidemment une des choses qui a amené le numérique, c'est cette miniaturisation-là. Faut voir aussi qu'il y a il y a quand même des concepts beaucoup plus fondamentaux qui nous disent pourquoi on peut numériser. Je vais expliquer un peu ça lors de ma conférence. Je veux pas aller dans le détail, mais pourquoi aussi le fait qu'on soit numérique, c'est plus facile à manipuler qu'un signal analogique. Alors des choses comme ça aussi. Il y a pas seulement le fait que l'électronique s'est miniaturisée, mais il y a aussi des concepts fondamentaux de différence entre l'analogique et le numérique qui fait que tout est numérique maintenant. D'une certaine façon, en fait, il y a le support technologique qui permet ces avancées-là, mais en parallèle, il faut avoir d'autres supports, des supports logiciels aussi, évidemment. Oui, évidemment, il ne faut pas oublier tout le développement du logiciel qui s'est fait en parallèle et qui est devenu une industrie d'une importance majeure. Autant les logiciels qui tournent, les logiciels de bureautique, que aussi les différentes applications qu'on a qui donnent vraiment la puissance à ces appareils-là, ce qui donne, si vous voulez, l'intelligence à tous ces appareils numériques-là. Oui, parce que dans le fond, c'est le logiciel qui va dicter, qui va déterminer qu'est-ce que fait la machine, comment on va mettre en valeur, si on peut dire, les possibilités qui sont offertes par la technologie. Exactement. Puis au départ, encore une fois, les logiciels étaient plutôt utilitaires et ils sont devenus de plus en plus ludiques et de plus en plus avec des horizons de plus en plus variés au fil des ans, de sorte que maintenant, on a toutes sortes d'applications qui sont utilisées par les gens et on a juste à penser le nombre d'applications qu'on peut avoir sur un téléphone cellulaire maintenant pour gérer notre vie, pour écouter de la musique, pour écouter des vidéos, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est quoi le futur du numérique? On parlait beaucoup de la miniaturisation, mais là on est déjà dans des objets tout petits. Est-ce que le microscopique, ça va devenir virtuel, tout dans le virtuel finalement? Évidemment, on peut penser qu'on va avoir des objets de plus en plus petits. Est-ce que il y en a certains qui disent est-ce qu'on va avoir carrément des implants qu'on aurait soit à l'intérieur de notre corps ou à la surface. Certainement qu'on va avoir des appareils qui vont être de plus en plus convergents. Déjà qu'on commence à écouter la télévision sur une tablette ou sur ou peut-être lire ses courriels sur sa télévision, tout ça. Donc il y a une certaine convergence. Il y a des choses qui sont actuelles présentement, mais dont la tendance fait que ça va probablement être majeur. C'est par exemple l'Internet des objets, donc les objets connectés. On en a, les gens possèdent déjà soit des montres, des iWatch ou des différents appareils là, pour prendre par exemple, compter le nombre de pas, ou ça peut être aussi simplement son enregistreur numérique qu'on peut programmer à distance. Donc, ce sont des objets connectés et il va y en avoir de plus en plus qu'on va devoir gérer. Ça pose des problèmes de sécurité. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus technique, mais qui a quand même un certain impact au niveau de ce qu'on appelle les données massives. Donc, tous ces objets-là, tout ce qu'on a qui est numérique génère énormément de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Comment est-ce qu'on peut extraire de l'information puis extraire un sens à ces données-là? Alors ça, c'est d'autres avenues là, de développement majeur. Et Paul Fortier, tout ça, évidemment, j'ai l'impression que ça pourrait pas se faire si, outre les avancées technologiques, il n'y aurait pas aussi eu la pierre d'assise qui est le web, qui est Internet, qui a permis ces développements. Oui, évidemment, ça, c'est ce qui a... L'Internet, en fait, il faut faire la distinction parce que souvent les gens confondent l'Internet et le web. L'Internet existait avant le web. C'était donc un réseau de réseaux qui date de la fin des années, son ancêtre date de la fin des années 60, mais officiellement dans les années 70. Et il y avait déjà plusieurs applications. Donc les gens qui étaient un peu connectés, il y avait même des compagnies comme American Online qui permettaient de s'échanger des courriels électroniques et tout ça. Mais le web est arrivé au début des années 90, s'ajoute par-dessus l'Internet et là permet d'échanger de l'information sous forme de pages web et c'est là que les gens ont pu utiliser l'Internet de façon très très facile et là ça l'a permis de développer d'abord des sites web, ensuite de ça des applications, des sites de commerce électronique, des sites d'échange de fichiers de pour télécharger différents fichiers de musique ou de vidéos. Donc c'est là que ça a vraiment démarré et ça s'est vraiment accéléré avec le web dans les années 90. C'est sûr que c'est une troisième composante dans mon exposé. Je parle du matériel, du logiciel et de l'Internet. Et c'est vraiment ces trois composantes-là qui fait qu'aujourd'hui, on a un monde qui est très numérique. Et je trouve ça intéressant qu'on mentionne le début des années 70 comme étant un point de départ pour ces choses-là, parce qu'on a l'impression qu'Internet s'est apparu en 95, que c'était un peu un réseau militaire, mais dans le fond, c'était un réseau universitaire aussi à la fin des années 60. Oui, c'est ça. Au départ, c'était pour relier les ordinateurs des universités, ordinateurs qui étaient financés évidemment par l'armée américaine ou le gouvernement américain. Et donc, c'était vraiment pour échanger de l'information, s'échanger des fichiers. Suite à ça, évidemment, on s'est aperçu qu'on pouvait faire autre chose que s'échanger des fichiers. On a aussi envoyé les premiers courriels au début des années 70, donc déjà s'échanger des messages par courrier électronique. Alors, la plupart des gens pour le courrier électronique, c'est peut-être apparu dans leur vie dans les années 90. Dans les universités, c'était déjà... Ça commençait à être assez courant dans la deuxième moitié des années 80, mais c'était plutôt les gens qui étaient dans des domaines techniques, mais ça existait déjà dans les années 70. Et à travers tout ça, on parlait aussi de vitesse tout à l'heure. J'ai l'impression que quand on fait un peu cette chronologie-là, dont on laisse quelques indices au fil de notre conversation, tout ça s'est fait aussi de manière quand même extrêmement rapide. Ouais, ben c'est un peu l'accélération qu'on voit dans le développement, on voit souvent dans le développement de nouvelles technologies. Ça commence lentement, mais simplement si on regarde par exemple une courbe du nombre d'utilisateurs d'Internet, c'est une courbe exponentielle. Ça va saturer un jour parce qu'on peut pas dépasser le nombre de personnes sur la Terre, mais on est encore dans une croissance qui est exponentielle. Oui, dès que les gens se sont appropriés cette technologie-là et ont pu l'utiliser facilement, le nombre d'utilisateurs a cru extrêmement rapidement. Puis ça permet aussi à des gens, notamment dans des pays en développement, de sauter certaines étapes et d'entrer tout de suite dans l'ère du numérique sans être passé nécessairement dans l'ère qu'on pourrait parler analogique, par exemple, avec des téléphones cellulaires de deuxième et troisième génération que les gens adoptent comme téléphone, alors que auparavant c'était extrêmement difficile d'avoir une ligne de téléphone analogique qui à domicile dans certains pays, mais c'est relativement facile d'avoir un téléphone cellulaire maintenant. Et Paul Fortier, habituellement, en fait, pour le grand public, le premier point de contact qu'on aurait eu avec le numérique, ça serait quoi pour le grand public, pas pour les chercheurs? Ben, je dirais que je l'ai mentionné peut-être un peu tantôt, c'est moi je pense que le grand public, là, ça serait le disque compact. C'est à partir du disque compact là qu'on a eu un médium qui était entièrement numérique et très très grand public. Il y a eu d'autres tentatives de disques vidéo, tout ça, mais c'est vraiment le CD qui a en relativement quelques années a complètement supplanté le disque vinyle et avec donc un support qui était numérique, la musique était numérisée. Il faut savoir que ça faisait déjà quelques années que dans les studios d'enregistrement, on enregistrait numérique, on mixait numérique, mais on vendait encore des micro-sillons, mais là, on avait un support qui était entièrement numérique. Et on peut dire aussi, bon, parallèlement à ça, fin des années 70, il y avait le micro-ordinateur, mais le micro-ordinateur, à ce moment-là, était utilisé un peu pour, des jeux vidéo, faire peut-être de la comptabilité, traitement de texte, mais on n'avait pas encore un aspect très, très numérique dans le micro-ordinateur qu'on a maintenant. Et tout ça, jeudi, en fait, ce sera exploré. C'est à quoi on peut s'attendre, donc, jeudi, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy? Ben c'est ça, je vais essayer de faire un tour, je vais parler des trois aspects matériel, logiciel, réseau, donc l'internet. Ça va être de façon relativement chronologique. C'est sûr qu'on peut pas jamais séparer ces trois aspects-là entièrement. Il y a toujours par exemple pour faire fonctionner du matériel, ça prend du logiciel, donc des choses qui sont développées en parallèle, mais je vais quand même essayer de les traiter de façon séparée. Je vais d'abord aussi un peu introduire pourquoi le numérique, pour quels sont les avantages. Et ça va être une chronologie avec des personnages, moi je distingue aussi des inventeurs, des innovateurs et des entrepreneurs. Il y en a qui sont un peu des trois ou qui sont deux des trois. Alors je présenterai plusieurs personnages historiques dans cette histoire du numérique. Alors on lance l'invitation évidemment, donc je le rappelle, c'est une petite histoire du numérique des origines à aujourd'hui, le jeudi 17 septembre, 19h, c'est à la bibliothèque Gabriel-Leroy, salle Gérard Martin au deuxième étage, conférence grand public, accès libre. Paul Fortier, donc directeur de l'ITIS, professeur à la faculté de sciences et génie de l'Université Laval, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Jessica, si on veut avoir un peu plus d'informations sur la conférence, on peut aller sur itis.laval.ca. C'est bon à savoir. Merci beaucoup Raymond Poirier pour cette belle entrevue. On pourra en parler des heures et c'est sûr que pendant cette conférence, vous allez en apprendre beaucoup plus. Et une période de questions, j'imagine, si vous voulez poser vos questions à Paul Fortier. Merci encore Raymond.